Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour Prudence. Salut Lucille. Tu as certainement entendu parler de la série Adolescence ? Oui, je ne l'ai pas vue, mais j'en ai entendu parler. Je crois que ça parle des mouvements masculinistes, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Cette série témoigne de la violence de ces mouvements, donc les mouvements masculinistes et incel, notamment sur les jeunes qui sont largement exposés à ces idéaux sur les réseaux sociaux. Il me semble important d'en discuter aujourd'hui, puisque bien que les discours soient principalement en ligne, les conséquences parfois tragiques sont bien réelles. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement ? Tout d'abord, le terme incel est une abréviation de célibataire involontaire. C'est un mouvement qui est né il y a 30 ans et dans lequel les hommes, car ce sont quasiment exclusivement des hommes, se disent incapables d'avoir des relations sexuelles ou amoureuses, souvent en raison de critères physiques, et blâment les femmes pour cette situation. Leur discours peut vite basculer dans la haine et la violence. Par exemple, en 2014, Elliot Roger, un jeune homme se réclamant de la communauté incel, a tué 6 personnes en Californie après avoir publié un manifesto misogyne. À côté, on trouve les groupes masculinistes qui prônent la supériorité des hommes ou défendent des positions antiféministes au nom de la défense des droits des hommes. Certains discours peuvent relever d'une critique sociale, d'autres d'une hostilité ouverte envers les femmes, les minorités ou les institutions perçues comme trop féminisées. Et que dit la loi face à ces discours ? Où est-ce que la liberté d'expression dans cette situation commence ? La liberté d'expression est donc un droit fondamental qui est protégé par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, cette liberté n'est pas absolue. Elle connaît des limites, notamment en matière de discours de haine, de provocation à la haine ou à la violence, ou d'apologie au terrorisme. En France, plusieurs textes encadrent cette frontière. On a la loi sur la liberté de la presse de 1881, qui sanctionne l'incitation à la haine ou à la violence contre une personne ou un groupe en raison de leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur appartenance à un groupe social. Et ensuite, on a le code pénal qui réprime le harcèlement, les menaces et l'incitation au passage à l'acte. Ainsi, si un incel publie des messages haineux appelant à violenter des femmes, il peut tomber sous le coup de la loi pour provocation à la haine ou à la violence. Si un groupe masculiniste, lui, organise un raid sur les réseaux sociaux pour harceler une militante féministe, cela peut être qualifié de cyberharcèlement, voire de harcèlement en meute. Ce type d'infraction a été récemment reconnu et confirmé par la jurisprudence. Et de quels moyens dispose-t-on pour lutter contre ce phénomène ? En 2021, les institutions européennes ont rappelé que le cyberharcèlement et les discours misogynes en ligne constitue une forme de violence fondée sur le genre. Les États ont donc une obligation positive de protéger les victimes, d'enquêter et de punir les auteurs. Or, l'une des principales difficultés, c'est l'anonymat en ligne. En effet, les écrits sont publiés sur des forums anonymes ou parfois des réseaux sociaux étrangers qui rendent les données encore moins accessibles et maîtrisables. Les autorités judiciaires se retrouvent face à des procédures complexes et longues pour obtenir la levée de l'anonymat. Est-ce qu'il existe des moyens d'action sur les réseaux sociaux ? Pour les réseaux sociaux, on a une obligation de modération et de retrait des contenus illicites. Tout contenu qui leur est signalé doit être examiné et supprimé dans les plus brefs délais. Il s'agit d'une obligation posée par le législateur pour lutter contre les contenus haineux. Un délai de 24 heures avait d'abord été posé par la loi dite Avia en 2020, mais le Conseil constitutionnel a censuré une grande partie de cette loi qui portait atteinte à la liberté d'expression. C'est donc au niveau européen que les choses ont bougé avec le texte dit « Digital Service Act » qui impose aux plateformes en ligne le respect de plusieurs obligations strictes. On a d'abord la mise en place de systèmes efficaces pour modérer les contenus illicites. Ensuite, on a une obligation de coopération avec les autorités judiciaires, notamment pour identifier les auteurs de propos illégaux. Une obligation transparente de leurs algorithmes et de leurs politiques de modération. Donc ça va être par exemple combien de contenus sont supprimés, sur leurs critères, avec quel recours possible. Et on a surtout pour les plateformes dites systémiques, donc les plus grosses plateformes, celles qui touchent des millions d'utilisateurs, elles sont soumises à des audits indépendants pour contrôler leur travail. En cas de violation d'une de ces obligations, la plateforme risque des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. Une sanction qui représente des milliards d'euros ou de dollars pour les géants du web. En clair, l'Union européenne veut sortir de l'ère de l'impunité numérique